Mathéo, c'est un costaud. Il adore faire du vélo. D'ailleurs, pour le gros voyage, il s'est entraîné dur. Son papa, il est très grand. Et comme tous les papas très grands, il est très fort. Il est musclé, mais il a de beaux mollets.